Vous êtes bien sur Fadjet 94.2 et il est l'heure de retrouver l'émission Les bons plans solidaires du GSA, présentée par Mélissa. Bonjour à toutes et à tous, vous êtes bien sur Fadjet 94.2 ou Fadjet.net et c'est parti pour une nouvelle édition de l'émission des bons plans solidaires qui vous est proposé par le groupe solidaire actif de l'association Arelia. La Dream Team, ce mois-ci, va comme toujours vous proposer de bonnes idées, des conseils, des infos, des bons plans pratiques, et surtout très économiques, voire gratuits. Salut la Dream Team ! Salut ! Alors, nous commencerons l'émission avec Alain, qui nous expliquera comment trier nos déchets. Nous poursuivrons l'émission ensuite avec Loïc, notre spécialiste de la culture geek. Et puis ce sera au tour de Laetitia, qui nous donnera des bons événements sur Nancy. Ensuite, Bertrand, nouveau membre de la Dream Team, nous expliquera quelques lois très utiles pour tous les consommateurs. Rudy prendra le relais en nous donnant de bonnes adresses pour trouver des objets d'occasion, des disques et autres. Laetitia fera son retour avec sa recette de masque maison. Ensuite, nous recevrons Logan, qui va nous donner les dates des prochaines brocantes. Enfin, pour terminer, nous accueillerons Lionel et Rudy pour vous faire deviner les stars qui fêtent leurs anniversaires en mars. Et puis il y aura de la musique, des chansons, une ambiance conviviale autour de la table. Vous voyez, le programme est bien chargé, alors on commence tout de suite. Et voici notre premier chroniqueur. Bonjour Alain, comment vas-tu ? Bonjour Mélissa, bonjour à tous, chers auditeurs Radio Fadjet. Je vais vous expliquer comment trier vos poubelles. Avant de fermer vos sacs poubelles, triez leur contenu. Il y a un bac spécial pour le verre, il y a un sac jaune pour le plastique et les emballages propres. Il y a un sac bleu pour le papier et le carton. Vous devez bien plier et nouer les gros cartons et les placer entre les molochs. Le reste des ordures ménagères non recyclées vont dans un sac de couleur noire. Par exemple, les pots de yaourt. Il ne faut pas mettre les sacs à côté des molochs, mais les introduire à l'intérieur. Les molochs sont désinfectés une fois par semaine. Il est important de trier ces ordures pour protéger l'environnement. N'oubliez pas que vous pouvez ramener vos piles usagées, vos ampoules et vos bouchons dans les supermarchés qui les collectent. Ne jetez pas vos anciens vêtements, les conteneurs sont là à votre disposition et vous ferez des heureux. Au revoir. Mais dis voir Alain, c'est quoi un moloch ? Moloch, c'est une grosse poubelle qui est enterrée à moitié dans la terre et l'autre moitié en surface. Il ne faut pas que les rats rentrent à l'intérieur. D'accord. Et ils sont mis à peu près tous les deux jours. Et une fois par semaine, il y a un camion pour les désinfecter. C'est les gros containers qu'on voit par trois sur Nancy ? Qui sont devant les bâtiments ou à côté. D'accord, ah oui, je vois. Eh bien, merci Alain pour cette super chronique. Je vous en prie. Et c'est maintenant à Loïc de nous retrouver. Salut Loïc. Salut Mélissa et bonjour à tous nos auditeurs. Quel plaisir de revenir enfin en studio et de continuer ma fameuse chronique Culture Geek. Mais cette fois-ci, côté film, on va parler d'autre chose, plus précisément de la 47e édition de la cérémonie des Césars à Paris. Puis je vous partagerai deux livres et deux expos qui attirent mon attention. Alors ne perdons pas de temps et commençons avec l'un des plus grands festivals de France dans le monde du cinéma qui a eu lieu fin février 2022 et cette année je peux vous dire qu'il a été exceptionnel. À commencer par ce magnifique hommage envers l'acteur français Gaspard Ulliel, décédé dans un tragique accident de ski à travers les mots d'un de ses plus proches amis, Xavier Dolan. Il y a eu aussi un hommage émouvant envers le célèbre acteur Jean-Paul Belmondo, qui a marqué cinématographiquement l'histoire du cinéma en France, mais aussi dans le monde entier. Sans rentrer dans les détails, car on pourrait en parler pendant des heures, les fameuses récompenses ont ainsi été distribuées, à commencer par Valérie Lemercier, élue meilleure actrice dans son film Aline, qui retrace l'histoire de Céline Dion. Benoît Magimel s'est vu attribuer le César du meilleur acteur dans le film émouvant « De son vivant » d'Emmanuel Berco, racontant l'histoire d'un homme atteint d'une grave maladie, le cancer. Et bien évidemment, le fameux César du meilleur film, le plus attendu lors de la cérémonie, a été décerné à « Illusion perdue », un film de Xavier Giannoli avec Benjamin Voisin, Xavier Dolan, Cécile de France et Vincent Lacoste. À savoir que ce film est encore disponible au Caméo à Nancy et a reçu au total 7 Césars. Je m'arrête ici car comme je l'ai dit précédemment, je pourrais en parler pendant des heures. Alors si vous voulez plus d'informations, rendez-vous gratuitement sur le site allociné.fr. Allez, on ferme le clapet et on passe dans le monde de la littérature avec cette sélection de 2 livres que j'avais envie de partager avec vous. Vous aimez la romance et l'histoire ? Depuis le 1er mars, un livre nommé « Éternel » est disponible dans nos librairies. Écrit par Lisa Scotolin, il va vous faire voyager pendant la Seconde Guerre mondiale et vous offrira une histoire bouleversante à travers un triangle amoureux à Rome dans l'ombre rampante du fascisme. On continue avec ce livre qui sortira le 16 mars 2022, « Le souffle des rêves » de Clarisse Sabar. Abby, l'héroïne, décide de retourner sur la terre de ses ancêtres pour tenter de faire la paix avec elle-même, mais elle va découvrir des cassettes enregistrées par sa grand-mère qui pourraient lui changer la vie. Ce livre sera disponible dans toutes nos librairies. Allez hop, on finit d'écrire l'épilogue en poursuivant notre voyage dans le monde des expositions. Du 17 mars au 20 mars 2022 aura lieu un festival avant d'œuvre nommé Les Planches de l'Étoile, organisé par la MJC Étoile qui se transforme en une véritable salle de spectacle pour accueillir diverses troupes théâtrales. Plus d'informations sur www.mjc-étoile.com. Et enfin, le 31 mars 2022, à 18h30, aura lieu une conférence au château du Charmois, à Vendeuvre, et qui se nomme « Les arts dînent en boîte », avec la présence de Dominique Lacorde, historien et collectionneur. Mais je vous laisse le suspense et je vous laisse découvrir tout cela en appelant le 03 83 51 74 62. En plus, l'entrée est gratuite, alors profitez-en. Et voilà, notre voyage se termine et comme d'habitude, ce fut un plaisir de vous le partager. Eh bien merci Loïc, j'espère te retrouver bientôt sur ces événements alors. Alors à bientôt. Et tout de suite, le moment est venu de vous offrir la première pause musicale avec un titre de Dua Lipa et Elton John, Cold Heart. Vous écoutez Fadjet en FM sur 94.2 et sur internet www.fadjet.net. And I think it's gonna be a long, long Nous nous retrouvons sur Fadjet 94.2 ou fadjet.net et vous êtes avec la Dream Team pour la deuxième partie de l'émission Les bons plans solidaires. Nous accueillons maintenant Laetitia qui va nous proposer quelques dates et événements culturels. Salut Laetitia. Salut Mélissa, bonjour à tous. Comment tu vas ? Ça va, merci. Donc moi je vais vous proposer un petit récap des événements culturels à ne pas manquer sur Nancy et aux alentours. Pas cher ou gratuit. Alors, en 2022, ayant été proclamée Année du Vert par l'Organisation des Nations Unies, ce thème sera retenu pour les événements culturels organisés par les musées de Nancy. Je vous propose donc, qui n'a jamais eu envie de visiter un musée en soirée ? C'est ce que vous propose le Musée des Beaux-Arts de Nancy. Soirée Onyx au Musée des Beaux-Arts le 17 mars de 18h à 21h. Cette soirée est consacrée à la prochaine exposition temporaire Vert 30 ans d'innovation au CERVAV. En présence des deux commissaires, Anne Plumakers et Marion Paco, et de l'artiste verrière Laetitia Bontemps. 4,50€ est gratuit pour les étudiants et moins de 26 ans. Le musée en famille, lumière et transparence. Marqueterie, verre émaillé, venez découvrir ou redécouvrir les techniques des artistes pour créer des œuvres magnifiques et uniques. Le 20 mars 2022, de 10h30 à 11h30 au musée de l'école de Nancy. Et en nocturne, donc nocturne de l'histoire 2022, le verre et ses archives aux archives municipales de Nancy. Le 30 mars de 18h à 20h30 aux archives municipales de Nancy et à l'occasion des nocturnes de l'histoire, les archives municipales ouvrent exceptionnellement les portes de leur magasin pour une visite en soirée. L'inscription est obligatoire sur le site de la ville de Nancy, sans oublier les journées européennes des métiers des arts. Les musées de Nancy vous donnent rendez-vous pour la 16e édition des Journées européennes des métiers d'art. Les 2 et 3 avril de 10h à 18h, entrée gratuite, musée des Beaux-Arts, musée de l'école de Nancy, Villa Marguerite, église des Cordeliers. Vous retrouvez la totalité de l'agenda culturel sur le site de la ville de Nancy. Et n'oubliez pas que les premiers dimanches de chaque mois, l'entrée est gratuite dans les musées de Nancy. Voilà, Mélissa. Eh ben merci beaucoup Laetitia, hâte d'aller faire un tour. Ah oui, ça a l'air super intéressant. Faut y aller les amis. Et c'est maintenant à Bertrand de nous retrouver. Bienvenue Bertrand dans la Dream Team. Merci beaucoup Mélissa. Alors, de quoi vas-tu nous parler pour cette première chronique ? Alors aujourd'hui, je vais vous parler de la garantie légale de conformité pour les objets d'occasion. Alors, qu'est-ce que c'est que ça ? Alors, c'est ce qu'on appelle globalement la garantie, d'une façon générale. Donc, il faut savoir que les objets neufs, quand on les achète neufs, sont garantis systématiquement 2 ans. Sans qu'on ait besoin de faire quoi que ce soit, voilà, ils sont garantis 2 ans. La garantie légale de conformité est également de 2 ans pour les objets d'occasion, mais il y a un petit mais par rapport aux objets neufs, c'est qu'il y a une durée qui était limitée jusqu'à présent à 6 mois pour la présomption d'antériorité des défauts. C'est-à-dire que le défaut est supposé exister à la livraison de l'objet. Donc même si la garantie est de 2 ans, on avait 6 mois pour faire valoir sa garantie jusqu'au 1er janvier. Depuis le 1er janvier, les 6 mois sont passés à 1 an. D'accord. Voilà. Donc si dans l'année qui suit votre achat d'un objet d'occasion, un professionnel, je précise un professionnel parce que ça ne concerne pas les achats entre particuliers, les achats effectués par un particulier chez un professionnel sont donc garantis maintenant 1 an au lieu de 6 mois auparavant. Il faut savoir également que le consommateur ne peut pas contester la conformité en invoquant un défaut dont il a été spécifiquement informé. C'est-à-dire que si on achète par exemple une voiture d'occasion et que le vendeur spécifie bien que la boîte de vitesse est morte, c'est pas la peine de venir 3 mois après dire « la boîte de vitesse est morte ». On le savait quand on a acheté la voiture. Et si par exemple j'achète une voiture et que le propriétaire ne m'informe pas de ce défaut ? Alors, le propriétaire, s'il est un garage. Ouais. Parce que si c'est un particulier, c'est autre chose. Donc, si le garage n'a pas informé de défaut particulier, la voiture sera de toute façon garantie 1 an. D'accord. Pour l'ensemble de ses composants, sauf s'il a été spécifiquement précisé que tel ou tel composant ne fonctionnait pas. Ok. Et si j'ai un problème, par exemple, avec la boîte de vitesse, qu'est-ce qui se passe ? Garantie 1 an. Ok, donc je leur ramène. Voilà. Et alors, à ce moment-là, y a plusieurs solutions. Ils changent la boîte de vitesse, ils changent la voiture ou ils remboursent la voiture. D'accord, ok. Et s'ils changent la boîte de vitesse du Alors, s'ils changent la boîte de vitesse, il faut savoir que la nouvelle boîte de vitesse qui sera installée, la garantie repart à nouveau pour la boîte de vitesse. Pendant combien de temps ? 6 mois de plus. 6 mois de plus, ok. Ah bah c'est bon à savoir, ça. Et autrement, pour les achats, donc, faut savoir que quand on achète directement un particulier, donc on ne dépend plus du code de la consommation, mais ça concerne l'article 1641 du code civil, donc on peut toujours, de toute façon, agir contre un particulier qui... contre lequel. Mais il faut vraiment que ce soit un vice caché. Et un vice caché, c'est un défaut qui rend impossible l'utilisation de l'objet dans les conditions normales. Donc, par exemple, un vice caché qui nécessite le démontage. Donc, un particulier qui achèterait n'importe quoi, une machine à laver, si c'est un bouton qui... Voilà, on peut le voir. Ça ne marche pas. Mais si c'est le moteur, il fallait démonter la machine pour que le moteur... Donc, ça peut fonctionner aussi, tout ça. Mais donc c'est un peu plus compliqué quand on achète un particulier. Enfin maintenant, désormais, les particuliers sont mieux protégés quand ils achètent, enfin les consommateurs sont mieux protégés quand ils achètent un professionnel, puisque donc par-dessus, depuis le 1er janvier, il y a également un renforcement des mesures contraignantes pour le professionnel qui serait de mauvaise foi et qui refuserait. Donc il y a également le remboursement des achats doit obligatoirement être effectué dans les 14 jours qui suivent la restitution de l'objet, si jamais l'acheteur veut se faire rembourser son objet. Et donc pour la mauvaise foi dans la mise en œuvre de la garantie de conformité de la part du professionnel est désormais assez sévèrement punie, puisqu'une amende civile de prévue qui est de 10% du chiffre d'affaires moyen annuel du vendeur, mais ça ne peut pas excéder 300 000 euros. Enfin, c'est quand même pas mal. Autrement, il y a également une amende administrative qui est prévue de 3 000 à 75 000 euros de façon à inciter les vendeurs, enfin les professionnels, donc à mieux respecter le consommateur et à mettre en œuvre la garantie de façon plus sévère, quoi. D'accord. Et ben merci beaucoup pour ces super infos parce qu'on n'était pas au courant. Hein. Le moment est venu de vous offrir la seconde pause musicale avec Claude François. Et nous avons les Claudettes avec sa chanson Alexandrie Alexandra. Les filles, parc sur le Nil. Je suis dans ta vie, je suis dans tes bras. Alexandra, Alexandrie, Alexandrie, où l'amour danse avec la nuit. J'ai plus d'appétit qu'un barracuda. Je boirai tout le Nil si tu ne me retiens pas. Je boirai tout le Nil si tu ne me retiens pas. Alexandrie, Alexandrie, Alexandra, Alexandrie, où l'amour danse au fond des bras. Ce soir j'ai de la fièvre et toi tu meurs de froid. Je suis dans ta vie, je suis dans tes draps. Oui. Alexandra, Alexandrie, Alexandrie, où tout commence et tout finit. J'ai plus d'appétit qu'un barracuda. Je te mangerai cru si tu ne me retiens pas. Je te mangerai cru si tu ne me retiens pas. Ou Alexandrie, Alexandrie, Alexandra, Alexandra, ou Alexandrie. pays ce soir, je danse dans tes draps. Je te mangerai cru si tu ne me retiens pas. Parc sur le Nil, oh. Alexandrie, Alexandra. Ce soir j'ai de la fièvre, toi tu meurs de froid. Ce soir je danse, je danse, je danse dans tes bras. Vous êtes bien sur Fadjet 94.2 et Fadjet.net. Nous attaquons la troisième et dernière partie de l'émission. Et c'est au tour de Rudy de nous retrouver. Salut Rudy, de quoi tu vas nous parler aujourd'hui ? Bonjour Mélissa et bonjour à tous les, auditeurs et amis de Fadjet Radio. Voilà, la station 94.2 à Nancy. Donc je vais vous parler des bons disquaires, voilà, au plan solidaire. Nous avons des disques sympas et surtout pas chers à l'adresse 27 rue des Maréchaux. Et donc pour les amoureux de la littérature et des belles lettres, allez donc faire un tour à la librairie se trouvant 54 rue de la Commanderie où un accueil chaleureux vous sera apporté. Et si le cœur vous en dit et que le temps n'est pas au beau fixe, vous pouvez entamer vos lectures au 34 rue Saint-Georges où quelques boissons chaudes et quelques dégustations vous attendent. Et dédicace aussi pour ces messieurs, et étant donné que vous êtes dans le coin, passez donc au 52 rue Saint-Georges où vous trouverez de magnifiques compositions de bouquets de fleurs qui ne manqueront pas à l'élu de votre cœur. Et n'hésitez pas à visiter notre magnifique ville de Nancy, où de magnifiques boutiques vous attendent. J'ai encore d'autres magasins à vous proposer. Un autre magasin de disques pour les amoureux de bonne musique, que ce soit du classique au rap en passant par la techno, ou, comme pour moi, les passionnés de rock des années 80 à la New Wave, avec Berlin, Pat Benatar et compagnie. Voilà, la New Wave. Rendez-vous au 51 rue des Quatre Églises à Nancy. Et encore un excellent disquaire qui vous propose de jolies trouvailles, 15 rue Gilbert à Nancy. Pour les amoureux également des belles lettres et des beaux textes, il y a le bouquiniste du marché central, rue Saint-Dizier à Nancy. Il y a également un vendeur de livres à la revue suivante, sciences, techniques, architecture, etc. au 21 rue Saint-Julien à Nancy. On vous attend également au 38 rue Saint-Dizier où vous trouverez des livres également à bon prix et surtout, le dernier conseil que je vous donne, ne les jetez pas, gardez-les, car vous ferez plaisir à des personnes autour de vous. Vous pouvez également les redistribuer ou regarder autour de vous, il y aura peut-être des gens qui aiment beaucoup vos livres et qui seront capables de vous les récupérer. Donc, donnez-leur, voilà, ça sert à rien de jeter dans la rue. Il y a plusieurs aussi, il y a d'autres dispositifs qui sont prévus à cet effet. Voilà, vous pouvez éventuellement laisser vos livres, les livres dont vous n'en voulez plus. On évoque des bibliothèques dites en plein air. Vous pouvez donner des livres que vous souhaitez vous en séparer. Ah, tu parles des arbres à livres, oui, place Saint-Thérèse. Exactement, Mélissa. Place exactement. Du marché, c'est ça? Oui. Ok, bah super. Merci beaucoup pour toutes ces adresses. Bah de rien. Et puis merci encore à tous. Et c'est le grand retour de Laetitia. Alors, de quoi vas-tu nous parler cette fois-ci? Alors là, c'est carrément un thème différent. Je vais vous parler d'un masque que j'ai fait pour la peau. et qui est très efficace. Je l'ai testé la semaine dernière. Avec le froid, en plus, ça fait super du bien à la peau. Alors, le masque que je vais vous proposer est très efficace pour lutter contre le vieillissement de la peau. Mais attention, il faut l'appliquer rapidement parce que après la fabrication, il s'oxyde. Alors, sans aucune pitié pour le visage, le vent, le froid, l'air sec à la maison ou au boulot, mais aussi la pollution et bientôt le soleil, favorise l'apparition des rides précoces. Comment protéger et nourrir votre peau ? Alors, l'avocat, un aliment très controversé, mais source de bienfaits pour la peau. Si votre peau a franchement tendance à se déshydrater, qu'elle semble affamée, elle a besoin d'un vrai festin. Dans ce cas, l'avocat est votre allié. Pour cela, vous aurez besoin d'un avocat bien mûr et un œuf. Prenez la chair d'un avocat et mélangez-la avec un jaune d'œuf. Appliquez sur le visage et laissez agir entre 10 et 20 minutes. Moi perso, je l'ai laissé 20 minutes. Et retirez le masque avec un coton préalablement trempé dans de l'eau froide. Vous rincez très bien. Et vous pouvez terminer par une application d'eau florale si vous désirez. Et voilà, le tour est joué pour une recette maison qui ne coûte pas cher. Voilà. Et bah super, c'est vrai que t'as une belle peau aujourd'hui. Oh merci, mais je l'ai fait la semaine dernière. Hein. Ça tient. Non mais tu sais que le froid qu'il fait en ce moment, on a quand même des températures qui sont pas, qui sont fraîches. Hein. Et bah ça m'a fait super bien à la peau. Bah je testerai, écoute. Et on peut s'en sortir pour combien à peu près ? Bah écoute, j'ai acheté un avocat, je l'ai payé 90 centimes. Puis j'avais une barquette d'œufs chez moi, donc j'ai pris un œuf. Donc ça revient vraiment pas cher quoi. Ouais, 2-3 euros, grand max. Grand max, c'est ouais. Souvent, oui. Bah super, c'est vraiment pas cher en plus. Merci beaucoup Laetitia. De rien, bientôt. Et maintenant, nous accueillons Logan. Salut Logan. Bonjour Mélissa, bonjour à tous. Alors Logan, tu vas nous parler d'un sujet qui risque de réjouir certains, c'est ça ? Oui, je vais vous annoncer le retour des vigogneries et des brocantes. Comme la situation des sanitaires commence à s'améliorer, il y a de grandes chances que les dates programmées soient maintenues. Ah oui, je crois qu'il s'agit en effet d'un bon plan solidaire. Bien sûr, les brocantes permettent toujours de faire des économies. Si on aime chiner, vêtements, chaussures, disques, livres, jeux pour enfants, des choses utilitaires et des objets de collection. Mais elles s'inscrivent aussi dans un esprit de recyclage, de moins consommer, et tout cela est bon pour notre planète. Et surtout, les brocantes nous annoncent le retour des printemps. Voici quelques dates que j'ai retenues avant d'ouvrir les Nancy. Les 15, 16, 17 mars 2022 et 11, 12, 13 avril 2022. Vide à moi et bric-à-brac. Enfant printemps. Été et bourse aux vêtements. Dimanche 15 mai, vide-grenier. Marché aux puces. À Saint-Max. 1er mai 2022, vide-grenier. Marché aux puces. À l'Axou. Le 26 mai 2022, vide-grenier de l'Axou Village. À Maxéville. Dimanche 5 mai 2022, vide-grenier de la fête des fraises. À Champignolles. Dimanche 19 juin, vide-grenier. Marché aux puces. Vous trouverez les précisions concernant les lieux sur videgrenier.org 54. À très bientôt et belle journée à vous. Super, merci beaucoup Logan. Et on se retrouve peut-être sur un vide-grenier prochainement. À bientôt. La fin de l'émission approche, mais pas avant de retrouver Lionel et Rudy avec les anniversaires de stars. Bonjour Lionel et rebonjour Rudy. Bonjour. Rebonjour. Alors oui Mélissa, on se retrouve une nouvelle fois pour notre jeu de la star mystère. Il s'agit de retrouver une personnalité bien connue de tous qui est née au mois de mars. Alors, vous êtes toutes et tous prêts ? C'est parti. Pour trouver notre première star mystère, j'ai l'immense plaisir d'accueillir le plus grand poète de la chanson française, celui qui cisèle les rimes comme ma grand-mère taille à sapin avec sa tronçonneuse, j'ai nommé le grand Joé Star. Bonjour Joé et bienvenue à Fadjet. Salut les nulos et salut à Kadjet. C'est le grand Joé Star, celui qui a les dents en or et le cerveau en mousse de foie de veau. Non, non Joé, c'est pas Kadjet, c'est Fadjet. Sinon Joé, que pouvez-vous nous dire sur notre star mystère né en mars ? Je dis ce que je veux. Si t'es pas content, je te mets un pain. Bon alors, qu'est-ce que je peux dire de ce nulos ? Il est né le 30 mars 1968 à Bruxelles. Sa mère est belge et son père est architecte Wanda, qui est un gros dragueur comme moi, mais sans ma classe. Malheureusement, il est mort en 1994, quoi. Avec presque toute sa famille lors du génocide rwandais, quoi. Eh bien, dites-moi, Joé, vous avez fait des recherches précises. Bah oui, quoi. Je suis allé sur Wikipédia. Pourquoi ? C'est pas vrai ? T'as un problème ? Non, non, non, pas du tout. C'est un compliment, Joé. Pouvez-vous nous donner quelques autres indices? Ah, j'aime mieux ça. Mais faut pas le faire avec moi, Bolos. Sinon, je vais te péter les dents, toi. J'aime pas faire de la pub pour des nullos. Bon, je vais faire un effort. Je peux dire aussi que son premier nom de scène fut OPS Maestro. Elle a formé le groupe Suspicion. Il a été influencé par le rappeur français Booba, qui est aussi un vrai nulos, lui. Oui, oui, d'accord. Bon, et sinon, Joey? Oh, tu commences à me chauffer, toi. Je suis pas Stéphane Bern. Hein? Quoi? Tu m'as bien vu? T'as un problème, toi? Bon, sinon, il a travaillé un an chez Quick, un super resto. Et puis, il a réalisé une chanson pour Kangoo. Non, Joey, c'est pas Kangoo, elle s'appelle Angoon. Oh, j'ai ce que je veux, quoi. Tu me cherches, toi. Bon, pour finir, il a travaillé chez Energy Bruxelles. Et c'est eux qui l'ont poussé et qui ont sorti son premier single qui s'appelait Alors on danse. Un truc vraiment nulos. Pas comme moi avec NTM. Oui, Joey, si vous voulez. Bon, je crois qu'on va arrêter là. Tous nos auditeurs ont reconnu notre star mystère. Pas trop tôt. Tu commençais pas à me le chauffer grave avec tes questions de bol. Allez, je me casse. Salut, nulos. Oui, aïe. Au revoir, Joey, et bonne journée. Bon, oh, merci. Les auditeurs et la Dream Team, vous avez reconnu notre star mystère? Stromae? Oui, oui. C'est le gars de Stromae qui fêtera ses 33 ans demain, le 11 mars. Et pour trouver qui est notre second invité mystère, nous avons ce mois-ci le grand plaisir d'accueillir l'ancêtre de la télévision française, le Zeus du petit écran, l'indestructible Michel Drucker. Merci de votre nouvelle venue à Fadjet, Michel, et j'espère que vous allez bien. Bonjour Lionel, magnifique. Et bonjour aux auditeurs de Fadjet. Une super radio que j'ai bien connue au lancement des radios libres. Je vais super bien. J'ai l'impression d'avoir 20 ans. J'ai fait une révision chez Midas. Ils m'ont changé le moteur et les pneus. Maintenant, je peux rester à la télé et chez Fadjet pour 50 ans. Oui, c'est bien Michel. Content pour vous. Mais dites-moi, à propos de notre star mystère. Ah oui, c'est vrai, magnifique. Elle est née en 1928, je la connais bien. Elle était mariée à Loulou Gasté. Oh là, Michel, je vous arrête tout de suite, vous êtes planté de fiche. Vous partez en vrille ou quoi? Ah oui, c'est vrai, je la confondais avec Lynn Renault. Bon, ça arrive de se tromper. Je connais tellement de stars. Elle a débuté dans mes émissions, c'est même moi qui l'ai fait connaître au grand public. Oui, vous exagérez un peu, Michel. Je crois plutôt qu'elle s'est fait connaître à l'Eurovision. Sinon, que pouvez-vous nous dire d'autre sur elle? Eh bien, on peut dire qu'à cette époque... Magnifique, elle était moche. C'est bien moi qui l'ai mis en relation avec mon chirurgien dentiste pour lui refaire les chicots. Sinon, elle n'aurait jamais pu réussir. Je peux aussi dire que c'est son vieux producteur qui est ensuite devenu son mari qui l'a fait réussir en la plaçant sur toutes les télés au Canada. Et moi, en France, grâce à mes émissions. Bon, magnifique. Ouais, bon, Michel, si on veut. Mais que pouvez-vous nous dire d'autre aussi sur cette star, Michel? Ben, une fois... Elle s'est fait refaire la carrosserie. Elle a rencontré Jean-Jacques Goldman, qui lui avait fait des tubes sur tubes. Après, elle a fait une carrière aux États-Unis. Magnifique. Grâce à un film qui parle d'un vieux bateau qui a coulé et que j'ai bien connu puisque j'étais là. Mais moi, j'ai réussi à nager en aqualibre. Jusqu'à la côte. Car tout le monde sait que je suis un grand cycliste. Oui, on dit à la cobaye, mais c'est pas grave. Vous êtes sûr, Michel? Vous êtes un peu dur quand même avec elle. Elle a quand même bien des qualités pour avoir réussi dans le show business. Oui, c'est vrai, magnifique. Elle a sans doute une des meilleures voix au monde. Elle chante bien, mais dès qu'elle parle, tout le monde est mort de rire. Comme l'imite souvent Laurent Gérard. Oui, que j'ai bien connu d'ailleurs. Bon, ben merci Michel de tous ces indices. Bon, pas très élogieux quand même. De rien, Lionel. J'ai décidé d'être méchant. Avec tout le monde, parce que on m'a toujours dit que j'étais trop gentil et j'ai un spectacle à promouvoir, alors voilà. Alors, chers auditeurs et la Dream Team, vous avez reconnu notre star mystère? La belle Céline Dion? Oui, c'est bien la grande Céline Dion. Je suis ma contente. Qui fêtera ses 54 ans le 30 mars. Allez, on passe à un dernier invité mystère qui est né lui aussi en mars. Il est même né le 14 mars 1957 exactement. Et donc il va fêter ses 65 ans. Pour nous donner quelques indices, j'ai le plaisir et l'honneur d'accueillir M. François Hollande. Monsieur le Président de la République, bonjour et bienvenue sur Fadjet. Bonjour. Je suis content d'être là. C'est moins dur comme métier que celui de président, hein. Oui, alors, monsieur Hollande, que pouvez-vous nous dire sur notre star mystère? C'est une superstar. En tout cas, moi, je l'adore. C'est presque mon modèle, hein. Vous pouvez nous en dire plus, monsieur le président? Oui, il est très gentil. Il est un peu maladroit, comme moi, quoi. Son père, son papa s'appelait André Franquin. Il a une super copine qui s'appelle Mademoiselle Jeanne, qui travaille dans un magazine, comme moi avec Julie Gaillet. Je crois que nos auditeurs ont trouvé, mais peut-être pouvez-vous nous donner encore quelques indices complémentaires, oui, monsieur le président. Bah oui, bien sûr. Oui, Lionel, cher Lionel. Oui, il a les cheveux longs, c'est un baba cool. Il s'habille simple, un peu comme moi. Moi, président, certains disaient que je lui ressemblais. En tout cas, moi, président, j'étais aussi gentil que lui. Eh bien, merci, monsieur le président, de votre passage sur Fadjet, et bonne journée à vous. Bonne journée à vous aussi. On va bientôt manger à la cantine. Je crois que j'ai mon scooter qui m'attend. Eh bien, les auditeurs de la Dream Team, avez-vous reconnu notre star mystère? La gaffe. Oui, oui, il s'agit de Gaston Lagaffe, qui a eu 65 ans le 7 mars. Eh bien voilà, notre jeu des Star Mystères se termine. Merci à tous et surtout un grand merci à Rudy Cola, notre jeune imitateur des BPS. Bravo. Merci à tous. Merci à tous. Merci beaucoup, Rudy. Merci, Lionel, pour cette belle imitation. Ben, merci à toi, Mélissa. Et puis, joyeux anniversaire aussi à un ami, Julien. Voilà. C'est son anniversaire aujourd'hui. Bah, bon anniversaire à ma cousine aussi, Manon, en même temps. Alors. Bah, voilà, voilà. À ma grand-mère. Au moins, c'est fait. Bonne journée à vous tous. Et voilà, l'émission Les BPS est terminée. J'espère que vous avez passé un bon moment avec nous. On vous souhaite à tous, auditeurs de Fadjet 94.2 et Fadjet.net, un excellent mois de mars. Dans quelques instants, il sera l'heure de retrouver toute l'équipe du 13 en forme pour les news et le mag. Vous pouvez retrouver notre émission en podcast sur fadjet.net et nous envoyer vos bons plans par mail sur gsa@arelia-asso.fr. Nous, on se retrouve le mois prochain, mais sans moi cette fois-ci. Même heure, même endroit pour de nouveaux bons plans solidaires. D'ici là, toute l'équipe vous souhaite une belle journée sur Fadjet 94.2 et surtout, prenez soin de vous et des autres. À très bientôt. Merci Mélissa. Merci Mélissa. Salut tout le monde.